Je me tords, tu me détends. Je m'accorde, tu me désaccordes. Pour ton bon et doux plaisir, j'aime tes impros. J'adore quand tu pars en solo. Quand c'est toi qui fixes mon acoustique, je me branche, tu m'électrises. Comme une corde de guitare, je riff, tu me griffes. Toujours avec moi, selon tes bons et doux désirs. J'aime tes impros, j'adore quand tu pars en solo. C'est toi qui fixes mon acoustique. Je me branche, tu m'électrises. Comme une corde de guitare, je m'arpège, tu me l'arsènes. Avec mon jack, tu te branches, tu amplifies ta jouissance. J'aime tes impros, j'adore quand tu pars en solo. C'est toi qui fixes mon acoustique. Je me branche, tu m'électrises. Comme une corde de guitare, je vibre sous ton